Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 29e numéro du mag cette semaine. Comme de coutume, nous allons faire le tour d'horizon de l'actu des comics VO et VF, mais aussi des news concernant les adaptations de comics à la télé et au cinéma. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 29e numéro du mag. Et avec moi cette semaine, comme depuis quelques semaines maintenant, Arnaud, salut, Clément, salut, et Irish, salut. Bien, on va pas changer l'ordre établi, on va commencer par l'actu télé, et on va commencer, et c'est assez rare, par une annonce qui concerne une diffusion française, Irish. Eh oui, donc puisque ça arrive en plus sur le service public, il s'agit de la série iZombie qui va arriver sur France 4 à partir du 27 octobre. C'est un vendredi, 27 novembre, pardon. C'est un vendredi, donc 3 épisodes de prévu en prime time, 20h50, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors sur France 4, moi je trouve que c'est tout à fait la place, la bonne chaîne. Ouais, tout à fait, oui. C'est un peu la chaîne, on va dire, jeune en quelque sorte, qui a l'habitude de diffuser comme ça des séries, que ce soit anglaises ou américaines, qui sortent un peu parfois du lot, qui sont pas conventionnelles comme, je sais pas, les experts ou ce genre de choses. C'est surtout la chaîne adolescente et jeune adulte de France Télé. Ouais, y a pas mal de programmes un peu geek aussi sur cette chaîne. Et puis le vendredi soir en prime, pourquoi pas? Ça peut marcher. Oui, c'est la bonne cible. Je pense qu'avec ça, tu vas voir. Il y aura peut-être de l'audience. Ça va être à surveiller donc à partir du 27 novembre. Donc 3 épisodes, c'est 3 épisodes par soir, en gros, en 4 semaines, c'est fini? Bah oui. Ça va nous mener jusqu'à Noël, tout ça. C'est ça. À moins qu'ils se mettent à diffuser en après par deux. En vélo, ouais, c'est possible aussi en vélo. Et c'est même pas sûr aussi, et c'est pas certain qu'on ait 3 épisodes à chaque fois. Parfois, oui, voilà, commencement, oui. Ils te mettent 3 épisodes et après dans la suite, ils repassent à deux. Bon, en tout cas, iZombie arrive, c'est une bonne chose pour le public français, la série est plutôt sympa, donc c'est cool. Enfin, c'est une bonne chose pour ceux qui ont, comme moi, qui ont vu, qui sont à jour sur la saison 2 sans avoir vu la saison 1. Je pense que tu dois être le seul dans ce cas-là. Voilà, je pense que tu vas pas y en avoir beaucoup. C'est possible. Quelque chose d'autre qui arrive un petit peu plus tard, cette fois en 2016, c'est Preacher, et on a eu droit au premier trailer de la série. Un trailer d'une minute trente, surtout centré sur le révérend Custer, ce qui semble logique pour introduire un peu la série et son univers, donc qui présente surtout le personnage du révérend, et qui donne quelques indications concernant le ton et peut-être surtout l'esthétique de la série. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce trailer? Je l'ai pas vu, donc comme ça l'est. Toi, t'en as rien pensé, forcément. Ouais. Forcément. Moi, je l'ai vu. Ouais. Et je vais dire, je suis un peu dubitatif. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Mm-hmm. D'un côté, ça peut être une bonne chose aussi. Ça dévoile rien. Non, donc, c'est clair. Mais on sait quand même, on a déjà une idée que ce sera hyper, hyper violent. Très violent. C'est pas. D'après de ce que j'ai vu, les scènes, il y a des scènes assez, assez, assez dures. Donc, ça va pas être tout gentil et gentil. Mais bon, à voir. Je ne sais pas quoi en penser pour l'instant. Et toi, Arnaud? Pareil, je l'ai vu, mais je connais pas du tout les comics, j'en ai jamais lu. Donc, je sais pas à quoi m'attendre. Ça, comme l'a dit Irish, ça a l'air assez violent, glauque, à voir dans les épisodes, mais ça s'annonce potentiellement intéressant. Mais connaissant pas l'univers, je sais pas si. Ouais. Si on approche beaucoup ou pas, mais ça m'a pas non plus excité au plus haut point à me dire j'en peux plus d'attendre cette série. Même en connaissant un peu l'univers, pas facile de se faire un avis avec aussi peu de contenu. Moi j'ai juste eu un peu de mal à voir Dominic Cooper dans un autre rôle que celui qu'on lui connaît dans Agent Carter et dans l'univers Marvel. Du coup, je pense que je vais avoir un petit temps d'adaptation. Non mais je te jure que j'ai essayé, je me dis mais putain, mais j'ai pensé à qui celui-là? Maintenant que c'est le père de Tony Stark. Voilà. Ah non, c'est maintenant que tu me le dis, ah bah tiens, bah. Allez Clément, on a eu un gros revival, Star Wars. Est-ce que 2007 sera l'année de l'autre franchise? Eh bah, ben, possiblement, puisque ça a été annoncé que Alex Kurtzman développe Star Trek, Ouais. donc une nouvelle série pour 2017. Donc le pilote sera diffusé sur CBS, qui sera produit via CBS Studio, et les autres épisodes seront sur CBS All Access, donc la plateforme de streaming que la chaîne essaye de lancer. Bon, alors un mode de diffusion hyper, on va dire, original. Enfin, voilà, on lance le pilote sur la chaîne, je pense, en grande pompe, avec un lead-in assez fort devant pour pouvoir bien le booster. Et puis derrière, on aura droit donc en ligne sur la plateforme donc internet streaming de la chaîne. Bon, ça peut être bien pour lancer cette fameuse plateforme, mais 2017, ça semble un peu loin pour le faire. Ouais, Ah c'est oui, pas c'est ça. sûr que ça reste comme ça, je pense. En même temps, ça peut être l'avenir aussi, hein. Vu qu'aujourd'hui, on regarde plus trop les séries en direct, c'est un peu rare. On regarde un peu quand on a le temps ou quand on a envie. Ça peut être les prochains. Moi, je pense qu'il y a plusieurs séries qui vont adapter ce format-là, surtout si ça marche bien après, derrière. Le problème pour CBS, c'est que, on va parler un peu recettes publicitaires, est-ce que CBS va se priver d'une série qui pourrait faire, je ne sais pas, un 12, 13 millions sur le pilote, Ça, et derrière ne ouais. plus le mettre sur la chaîne et perdre toutes les recettes que ça propose? Ils vont pas tout perdre puisque c'est produit par CBS Studio. Donc le Ça. pognon va revenir au. Parce que, en fait, quand c'est diffusé sur le site de streaming ou sur le site de replay, comme c'est le cas là, l'argent ne revient pas à la chaîne, mais enfin, la plupart des revenus reviennent au producteur, qui dans ce cas-là est aussi CBS. Ouais, mais Donc au final, ils vont récupérer de l'argent quand même, mais c'est pas sûr qu'ils vont autant. gagner sans doute moins que si c'était diffusé sur la chaîne. Pense qu'il va falloir calculer tout ça et bon. Voilà, bah, Après, moi ça se trouve, la formule va changer et CBS All Access, ça va devenir une sorte de Netflix avec abonnement. Donc Voilà, ils vont récupérer là-dessus aussi. ou pourquoi pas proposer sur CBS All Access De la pub. la primeur de l'épisode et puis genre deux ou Oui. trois jours avant qu'il passe à la télé. Ça peut être Même aussi. une Oui, semaine pourquoi avant pas. sur CBS All Access et puis la semaine suivante sur CBS à l'antenne. Ben voilà, quelque Bah, chose d'intéressant en tout cas comme mode de diffusion. comme tu disais, la pub, si tu regardes sur TF1 VOD, t'as de la pub, hein. Donc rien Ça. ne leur empêche aussi d'en avoir. Oui, non, mais c'est sûr, il y a quand même de la pub sur les plateformes comme ça, mais bon. Les recettes sont pas les mêmes parce qu'on touche pas le même nombre de publics. Sûr. Irish, tu vas garder la parole, toujours pour CBS, et j'ai envie de dire, super, se casse la gueule. Ah, donc là, on a eu les résultats pour la deuxième semaine de diffusion de Supergirl, qui n'était plus drainée par Big Bang Theory, et là, c'est patatras. Elle passe à 8,9 millions contre 12,9 la première semaine, la semaine du pilote. Donc, on voit une baisse de 32% et 2,2 chez la tranche d'âge des 18-49 ans contre 3,1 la semaine d'avant. Donc en gros, une perte d'un tiers entre le pilote et l'épisode 2. Il n'y a pas encore le feu à la maison, parce qu'il y a quand même 9 millions de personnes qui étaient toujours là. Maintenant, on va voir sur l'évolution des semaines. Ouais, et puis Ouais, ça n'a pas été. c'est toujours mieux que par rapport à novembre 2014 pour la chaîne. La Oui. Supergirl fait bien plus d'audience que les comédies qu'il y avait là à l'antenne l'an Bien sûr, dernier. ça reste. C'est ça. Puis il y a toujours une baisse la deuxième semaine, mais là Ouais, c'est quand même c'est une forte baisse. De toute façon, on s'en doutait, hein, sans Big Bang, voilà. Et est-ce qu'ils vont avoir le. Donc, c'était juste pour le pilote qu'ils avaient le lead-in Big Bang, ouais. Oui, Ah, c'est c'était pour juste pour le pilote. Et maintenant, Big Bang est reparti D'accord, le et jeudi donc. soir. Dans Fight Ah Club. oui, d'accord. Et donc, du coup, ça va être quoi le lead-in de Supergirl? Ben, il n'y en a pas, ça a Bah, 8 ans. c'est elle-même, c'est la première série de la soirée, donc elle est Ah l'initiative de toute ouais! la soirée. Voilà. Ah ouais, ah ouais, ça va être intéressant à suivre, ça, parce Donc que du coup, on peut imaginer que les 9 presque millions de personnes qui étaient là étaient celles qui étaient là pour Supergirl la semaine d'avant. Après, on va voir si cette base-là, voilà, c'est là l'enjeu, c'est de garder cette base-là pour que derrière les séries de la fin de soirée c'est ça, ne souffrent pas non plus. mais bon, après c'est Mais pour le moment, ça reste pas mal. Hein. Faut pas, voilà. ouais pour oui 9 Puis il y a aussi millions juste une semaine et le les point audiences en replay qui sont pas mal. Allez, on va rester sur Supergirl, Arnaud, et on a deux castings qui sont tombés cette semaine. Oui, alors d'abord un qui est pas forcément très très intéressant, c'est celui de Tony Cypress, qu'on a vu dans Heroes et dans House of Cards. Et elle va jouer une sénatrice qui tente de récupérer des votes pour faire voter une loi anti-alien. Donc une intrigue qu'on a pu déjà voir dans d'autres séries avec des super-héros, ce genre de choses. Et l'autre actrice qui, moi, m'a fait énormément Je suis très content plaisir, aussi, ouais. ouais, c'est le retour à la télévision d'Emma Caulfield, qui jouait Anya dans Buffy, et qu'on n'avait plus vraiment vu à la télé, sauf dans un ou deux épisodes de Once Upon a Time. Et donc là, elle revient à la télé pour un épisode. Alors, pour l'instant, c'est un épisode dans Supergirl, pardon, où elle jouera j'ai oublié son nom, Cameron Cameron Chase, Chase, ouais. qui est décrite comme une agent du FBI qui a dédié sa vie à faire régner l'ordre à la suite de la mort du meurtre violent de son père. Et son arme de prédilection, c'est la manipulation psychologique. Donc ben plutôt bien de retrouver Emma Caulfield à la télé. On espère que ça sera pas pour un seul épisode si son rôle est sympa. J'espère qu'ils vont pas foirer le personnage que j'apprécie. Si elle ne meurt pas dès le premier épisode, bon voilà. L'entité de Supergirl de son premier épisode. Emma Caulfield est la première d'une liste de retours d'anciennes vedettes du petit écran, puisque ça va continuer avec Agent Carter, Clément. Oui, puisque donc là c'est un acteur qu'on avait rencontré dans Veronica Mars, Ouais. qui jouait le détective concurrent de Veronica Mars. J'aimais bien cet acteur parce que c'est un personnage plutôt drôle et un acteur qui me faisait plus de rire. Donc ce sera Ken Marino, donc qui jouera Joseph Manfred, donc dans Agent Carter, qui sera du côté des bad guys, si j'ai Ouais, bien compris. tu as bien compris. Le patron de la mafia, donc c'est ça. Et puis toujours dans la liste des retours, alors celui-là était un peu inattendu, Erich. Et Marc Dacascos qui revient donc dans la série Agent of Shield. C'est Marc Dacascos, c'est une star des années 90, surtout les séries B. Et il était récemment connu pour il jouait dans Hawaï 2.0. Je pense la série d'M6. Donc il revient pour un rôle, il devrait jouer le rôle d'un personnage à la tête du service de sécurité du SHIELD et il devrait travailler en collaboration avec Coulson. Pour l'instant, on ne sait pas trop quel serait le caractère de son personnage ou ses intentions, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas grand-chose sur le personnage, mais c'est un acteur généralement habitué au rôle d'action. Oui, voilà, puis c'est un nom quand même assez. Ouais, c'est un Qui c'est cool. évoque sûrement. Au moins, juste d'entendre le nom, ça doit évoquer quelque chose. Et puis Arnaud, du côté de Gotham, on continue. Ouais, c'est Tommy Flanagan qu'on a vu dernièrement dans Sons of Anarchy qui va jouer un nouveau méchant puisque c'est la saison des méchants dans Gotham. Il va jouer The Knife. Il a un beau nom, il s'appelle le couteau. Et c'est un tueur à gages, tout simplement. Voilà pour la boucle de casting. Il nous reste deux petites choses. La première, c'est toi Clément qui va nous en parler Ouais. et ça concerne Andrew Kreisberg. Ouais, oui, donc après, c'est pas une surprise, hein, ça montre bien que le bonhomme est plus maintenant qu'un truand à la télévision, notamment auprès de la Warner. Donc, ça a été annoncé cette semaine que Andrew Kreisberg se lie à la Warner Bros. Pour plusieurs années. Donc, il y a un contrat qui a été fait. Maintenant, on attend de voir la suite, mais faut s'attendre à le voir encore pendant plusieurs années Voilà. à la télévision, voire peut-être même au cinéma, on ne sait jamais. Pour ceux qui en doutaient, Kreisberg est vraiment l'homme fort Ouais. du côté, surtout de l'univers télé. Hein. Ouais, c'est ça, hein, surtout l'univers. Je lui dois les séries d'ici. Voilà. Ouais. Et puis pour terminer, on l'a appris cet été, Archie Comics développe une adaptation de l'univers d'Archie qui s'intitulera donc Riverdale sur la CW. Et on a appris les pr quelques premières petites infos cette semaine concernant cette future série Riverdale et concernant le profil des personnages. Archie, donc le héros principal, serait, d'après ce qu'il recherche, un jeune garçon beau et très musclé. parce qu'il travaille dans le bâtiment avec son père. C'est des pelis ou pas ? Un garçon qui aime le rugby et qui aime la musique, c'est évidemment un des points forts d'Archie, surtout dans la série de Mark Waid, effectivement, il est rarement sans sa guitare, et qui porterait plus d'un sombre secret sur ses épaules. Ça, c'est tout moi, ça. D'accord. Appelle la CW. Ça. Évidemment, on a Betty et Véronica. Donc, Betty, elle, évidemment, elle sera jolie, avec des petits problèmes au niveau de la confiance. Et puis, elle sera la meilleure amie d'Archie, a priori. Mais bon, elle souhaiterait un peu plus, évidemment. Véronica. Iris 2.0. Véronica, quant à elle, serait interprétée par une actrice plutôt d'origine latine et apparemment quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Voilà. Visiblement, elle n'aura pas de père riche, comme dans les comics, son père est hyper, hyper friqué. Et voilà, ça, elle l'aura pas, a priori, dans la télé. Mais son père aura quand même quelque chose, puisqu'il aurait été au cœur d'un scandale et il sera en prison. Voilà. Betty est décrite comme quelqu'un d'intelligente. Voilà. Betty et Véronica, forcément, Betty et Véronica, les deux filles entre lesquelles Archie va longuement hésiter. Hein, il a hésité pendant plus de 50 ans dans les comics, donc on verra si ça va durer autant de temps à la télé. Et puis évidemment, on aura aussi Jughead, le meilleur ami d'Archie, qui lui sera également porteur de secrets assez sombres. Alors voilà, en gros, et la CW, intéressant pour Jughead, chercherait un acteur malentendant. Ce qui serait assez en décalage par rapport à ce qu'il y a dans les comics, mais pourquoi pas. En gros, voilà, on se dirige vers quelque chose quand même de très très teen, voilà, une espèce de teen soap, j'ai envie de dire. Voilà. C'est ça. Là, clairement, voilà, on rappelle que c'est Greg Berlanti qui produira la série et que le pilote sera écrit par Roberto Aguirre Sacasa, qui est le Chief Creative Officer d'Archie Comics, tout simplement. Voilà. Ça se détache pas trop de les comics, surtout la version actuelle de Mark Waid et Fiona Staples, mais il y a quand même quelques différences. Et... Bon, en tout cas, moi, je suis toujours preneur. Ce qui est assez incroyable, puisque quand on voit le pitch et les orientations, faut vraiment que j'aime Archie pour avoir envie de voir. Je connais pas trop cet univers, donc pourquoi pas. Alors, un jour, il faudra faire un comic story se présente Archie. Tu seras tout seul. C'est pas grave. Allez, l'actu comics VF maintenant. Et bah tiens, Arnaud, ça sera pour toi. Tu as deux annonces que Panini a faites du côté de son Facebook. Oui, alors déjà, d'abord pour janvier. Et ils ont fait quelques annonces pour leur catalogue Fusion. Alors d'abord, Providence d'Alan Moore sur l'univers de Lovecraft. Et le second volet de la réédition Select de The Boys. Mm-hmm. Si vous voulez tenter. The Boys, c'est possible maintenant, Select, c'est moins cher. Ah bah carrément, 400 pages pour 20 balles, oui, c'est vraiment moins cher. Pas photo. Et en février, ils sortiront le nouveau volet de Conan, avec de nombreux épisodes inédits, d'après leur info, avec le Savage Sword of Conan 102 à 107. Ouais. Un gros volume. Et pour rappel, ils ont déjà annoncé précédemment, en janvier, Crossed Terre Maudite, et en février, le tome 3 de Hubert, Jupiter's Legacy de Mark Millar, et le tome 3 de Buffy saison 10. Voilà, celui-là était prévu pour décembre et ils l'ont décalé en février. Février. Et ils ont annoncé pour février, justement, la réédition du Best of Deadpool, Les Origines. Tiens, il n'y aurait pas un film Deadpool en février ? Je sais pas. C'est bizarre. Mm. Donc, la réédition de ce Best of dans la collection Vintage. Et en mars, ce sera la réédition du premier Deluxe Annihilation Conquest, qui sortira cette fois-ci en Select. C'est cette année qu'ils ont sorti les deux Annihilation en Select, et du coup, là, ils enchaînent avec la suite à Annihilation Conquest. Et 200% Daredevil, End of Days, en un seul Deluxe. Voilà, donc on se rappelle hein, de la colère que j'avais exprimée suite au découpage en deux parties de Daredevil End of Days pour en faire 200%. Et j'avais dit, vous verrez, dans un an et demi, deux ans, ils vont nous ressortir en un seul de luxe pour encaisser l'argent deux fois. Et ben voilà, ça ne manque pas, ça sera pour février. Mais avant ça, Panini a lancé sa checklist de janvier. Du côté des kiosques, évidemment, les 11 magazines Secret Wars, mais aussi le cinquième numéro de Star Wars qui va sortir. Donc voilà, en gros, ce qu'il y a à retenir du côté des kiosques, du côté de la librairie, on aura droit au Star Wars 100%, enfin 100% Star Wars plutôt, la série Lando, Ah. donc consacrée donc au personnage de Lando Calrissian. Qui était une mini-série en 5 épisodes de Charles Soule et Alex Maleev, si l'équipe vous donne pas envie. 112 pages pour 13 euros. Qu'est-ce qu'on aura également en 100%? Bon, on aura Spider-Gwen, le premier tome, Black Widow, le troisième tome. Du côté de Marvel, No, c'est Avengers Uncanny X-Men qui continue. Et évidemment, le premier volume de la collection Marvel Events sera celui consacré à Secret Wars, la première version de Secret Wars. Donc un gros bouquin de 336 pages pour 26 euros. Et puis quoi d'autre encore? Le premier tome en Icons d'Amazing Spider-Man par Todd McFarlane et David Michelinie. C'était un omnibus qui était épuisé depuis très très très longtemps, qui était réclamé. Et là, voilà, ils vont sortir dans la collection Icons. Donc on a la première partie en janvier, 424 pages pour 36 euros. Et puis tiens, elle est à la mode, évidemment, Marvel Select Jessica Jones, alias tome 1, 352 pages pour 18 euros, qui contiendra les trois premiers tomes qui étaient sortis à l'époque, quand c'était sorti en 100% max. Voilà pour les grosses sorties de ce mois de janvier 2015, donc plutôt de bonnes choses. Et je vais en profiter pour vous poser la question de la semaine, alors sans réponse des internautes, parce que je ne l'ai pas mis en ligne. Vous avez lu un petit peu, vous avez un petit peu suivi dans les sollicitations ce que Panini avait annoncé pour Secret Wars, on en a parlé la semaine dernière. Est-ce que toutes ces annonces vous ont donné envie de lire Secret Wars en français? Non, pas Non. vraiment. Non. Surtout que bah, le problème, c'est qu'ils vont tout, mais vraiment tout sortir, et tout n'est pas bon. Donc, si en plus s'ils font, j'ai pas regardé le détail des magazines, mais s'ils mélangent des séries assez mauvaises avec d'autres bonnes séries exprès pour que tu achètes ce magazine-là parce que t'as pas le choix, bien là c'est là où l'heure. Ou la deuxième série que tu vas acheter, que tu vas absolument lire, qui est géniale, juste pour te taper l'autre série mauvaise après. Du coup, tu es obligé d'acheter plusieurs kiosques. C'est un peu débile. Enfin, c'est pour avoir de l'argent. Mais enfin, c'est un peu stupide pour le lecteur. Et tout n'est vraiment pas intéressant. Et ils ont mieux fait de faire une sélection plutôt que de tout sortir. Mais au moins, ils ont le mérite de tout sortir. Donc, s'il y a une série que tu veux avoir et qui est pas forcément la plus connue ou quoi, bah au moins tu pourras quand même la lire parce qu'elle sort en France. Ouais, Irish. Moi non, non, moi ça m'a pas trop donné envie. Il faut savoir aussi que moi je suis pas trop comics en BD. J'en ai lu à l'époque, je suis un peu moins. Alors, on t'entend très faiblement. Là, tu m'entends? Là, c'est Ouais, mieux? ouais. Ouais. Donc, je disais, non, moi, ça m'a pas tellement donné envie de m'y mettre. Et déjà, bon, je peux aussi être un handicap, c'est que je ne suis pas trop les comics en papier. Donc, D'accord. bah, je suis pas vraiment la cible. Ok. Pour ma part, oui, ça m'a branché. J'aime bien l'idée de tout publier. Du coup, chacun peut faire son petit marché. S'il y a trois ou quatre magazines que je devais retenir, évidemment, le magazine Civil War, avec la série Civil War, et la série 1872 notamment. Le magazine Deadpool, parce que Deadpool's Secret Wars est quand même sympa. On a la série de Scotty Young, Giant Size Little Marvel, donc là. Ah oui, bah oui, là. Et on a même Howard the Human. Voilà, donc vraiment. Ah, C'est le mag What the Fuck. Et du coup, ouais. je pense qu'il va être à suivre celui-là. Je peux également vous parler de. Pourquoi pas celui consacré à Marvel Zombie, à la rigueur, mais surtout Spider-Man, puisqu'on a la série dedans, Spider-Man Renew Your Vows, où on va suivre Peter Parker avec sa femme Mary Jane et leur enfant. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose que les nostalgiques du mariage de Peter. Vous retrouvez avec plaisir, et puis Secret Wars 2099 est également là-dedans. Voilà, moi qui aime beaucoup l'univers 2099, je suis bien tenté. Voilà, ces trois-là, si je devais en prendre trois, ce serait ces trois-là, Deadpool, Civil War et Spider-Man. Pardon, mais après ce que j'ai dit, oui. Dans la mesure où tu as les films juste derrière, bon, après les films, tu peux peut-être parfois avoir envie de creuser un peu plus, ça peut être intéressant. Ouais, bah là, du coup, c'est vraiment des univers parallèles et tout. Quand tu vas sortir du film, il ne faudra pas prendre ces magazines là, même si c'est marqué Secret War, Civil War et qu'effectivement le film Civil War va sortir Ah, en même temps. d'accord. Ça va, voilà, faudra pas prendre ça. Hein. Clairement, c'est du What If, hein, c'est du Elseworld. Donc, du coup, il vaudra mieux prendre le vrai Civil War qui sortira à ce moment-là. Ok. Allez, on va enchaîner sur l'actu ciné et c'est toi Clément qui va commencer et tu vas nous parler de Nicole Kidman. Oui, donc là, c'est, je sais pas, ouais, non, c'est plus dans l'ordre de la rumeur, on ne sait pas trop si c'est vraiment officiel. Donc, Nicole Kidman serait en négociation pour jouer une Amazone de haut rang dans Wonder Woman, dont le tournage bah, démarre ce mois-ci. La rumeur veut qu'elle serait Hippolyta, reine des Amazones et mère de Diana dans les comics. Voilà, oui, une Amazon de haut rang en même temps, il n'y en a pas 50 000. Hein. C'est ça. Donc, Batman Forever lui a pas suffi apparemment. Elle a Non, envie de ça. retourner chez Warner, chez Ah, ça DC. peut être pas mal, hein. Bon, oui, dans Wonder Woman, oui. Ouais, Mais pourquoi pas. en tout cas, elle a pas elle est pas déçue de. Enfin, en tout cas, elle garde pas un mauvais souvenir. Elle a pas une dent contre DC, elle revient. Si la rumeur est vraie. Oui. Hein. Enfin, en général, moi, j'y crois. Hein. J'y crois oui. pas. Surtout que Warner, enfin, DC sont un peu nuls pour garder leurs infos tout de suite avant les annonces officielles. Ce serait s'offrir un nom quand même important du cinéma. Oui. Comme Kidman, c'est quand même pas n'importe qui. Là, récemment, récemment, ils ont eu cette habitude-là de prendre pour représenter parfois les mentors ou les personnages principaux dans les séries Marvel, que ce soit Marvel ou DC, de prendre toujours des vieux. On se souvient de Oliver Stone dans Thor. Ah non, Anthony Hopkins, pardon, dans Thor. Ou Oui, encore, non, mais voilà, il y a... Après, ou c'est... encore Michael Douglas en Pym, Ant-Man. Ant-Man, voilà. Donc ils ont toujours cette habitude-là de prendre des vieilles gloires ou des vieilles stars pour Glenn, puis j'ai oublié Glenn Close Les gardiens de dans la Les galaxie. Gardiens, voilà. Voilà, donc Nicole Kidman, ça ferait de plus, qui serait plutôt cohérent avec ce qu'ils ont l'habitude Donc, ces stars-là apprécieront le vieille gloire. de faire. Ouais, bon, c'est peut-être pas des vieilles gloires, mais disons des anciens, voilà. Des C'est des grands gros noms, noms, surtout, grands noms du pour cinéma, attirer. Ah, des grands des noms. grands noms des Pour cinémas, attirer des gens à voir le film. qui effectivement font joli dans un casting, ça c'est clair. Arnaud, justement, bah, un nom qui fait aussi joli dans le casting, là pour le Oui, coup. c'est Ralph Fiennes qu'on a vu dans Harry Potter. Et il va jouer Alfred Pennyworth. Alors non, l'acteur qui joue Alfred dans Batman et Superman n'a pas été viré. Mais il va jouer Alfred dans le film Batman Lego. Enfin, Lego Batman plutôt. Dans le film Lego Batman qui est prévu pour 2017. Voilà. Et donc c'est dans le film qu'on verra donc Will Arnett qui va reprendre son rôle de Batman, enfin qui va doubler Batman, Michael Cera qui va jouer Robin, Zach Galifianakis qui sera le Joker, et Rosario Dawson, la Claire Temple de Daredevil, qui sera Batgirl. Là, Et donc maintenant ils ont Alfred. on a quand même un putain de casting All-Star là. Ouais, c'est clair. Comme quoi, les petites briques attirent du beau monde. Will C'est le Arnett, chèque qui attire. c'est déjà Will Arnett qui faisait Batman dans le Lego qui est sorti Oui, l'année dernière. il reprend son rôle, ouais. Ouais. Okay. Ah oui, on croyait le film bouclé en ce qui concerne le tournage, eh bien non. Eh bien non. On parle bien sûr d'X-Men Apocalypse, puisqu'on apprend selon le journal de Montréal qu'il y a des reshoots qui vont être faits en janvier. Et avec ni plus ou moins, avec Hugh Jackman qui attend, n'était pas prévu initialement au casting, qui ne devait pas apparaître dans le film, mais il y a des reshoots qui vont être faits avec lui pour rajouter au montage final. Et ça laisse, ce serait plutôt pour moi, je pencherais plutôt pour une scène post-générique. Ou un caméo, tout Ou simplement, un caméo, oui. comme dans le comment dans You First Class où on voit à 30 secondes faire un doigt à Xavier. Ça laisserait plutôt présager pour Wolverine 3. Ouais, voilà, Aussi. pour conclure sa trilogie. Après, j'ai lu des choses qui allaient dans le sens que ça serait peut-être plus qu'un petit caméo. Hein, voilà. Arnaud, parle-nous d'un autre film qui lui aussi avait son tournage pourtant terminé. Ouais, le tournage de Deadpool était terminé et pourtant ils sont retournés sur le tournage à Vancouver. Donc le tournage est terminé fin mai. Et quelques jours avant Halloween, ils sont retournés à Vancouver pour retourner quelques scènes qui se sont terminées ce week-end apparemment. Et c'est étonnant, à 3 mois de la sortie du film. Ouais. Mais c'est pas nouveau que Non, au bon, cours il y a. du montage, tu te rends compte qu'il faudrait 2, 3 scènes en plus, ou il faudrait changer ci, ça. C'est rien d'étonnant. C'est pas la catastrophe. C'est pas un retournage de scène comme Fantastic Four où on a changé toute l'histoire. Là, Rien à craindre. tu nous offres une magnifique transition, et c'est toi, Irish, qui va nous parler de la leçon de mauvaise foi de la semaine. Non, mais quelque part, on a appris quand même qu'il y a une petite justice dans ce monde parce que la Fox accuse Fantastic Four pour des pertes qu'il a eues cette année, par des pertes Surprise. de surprise, 6% des pertes de revenus de l'ordre de 6%. Et donc, pour elle, ce serait la faute de Fantastic Four, sachant que le film leur a fait perdre exactement 81 millions d'euros par rapport à son budget initial et aux recettes engrangées. Bon, c'est un peu surprenant parce que 81 millions d'euros comparé aux pertes qu'ils annoncent, je suis d'accord avec toi Mathieu, qu'on ne peut Voilà, pas vraiment. c'est un peu facile de tirer sur l'ambulance et de considérer Fantastic Four comme le seul responsable de l'échec. Voilà. Ils ont quand même perdu beaucoup plus de fric que ce que seul Fantastic Four aurait pu leur rapporter. Mais non, mais moi aussi à leur place, je ferai la même chose avec ce Et là où c'est de la film. mauvaise foi, c'est que ça les empêche pas de parler d'un d'eux. Ils n'en parlent pas vraiment. Ouais. Enfin, ils ont toujours pas supprimé le 2 de Ouais, leur liste. pas supprimé du C. Mais je pense même d'ailleurs que c'est tout le monde bien parti pour un 2. Donc si vraiment ce film était responsable des 7 plaies d'Égypte, je pense qu'il aurait annulé depuis longtemps la suite. C'est ça. D'ailleurs, il y a... Mince, comment s'appelle-t-il l'acteur qui jouait Doom? Oui, j'ai oublié son nom, mais il a craché sur le film aussi. Il n'a Ah pas vraiment craché sur le film, il a dit qu'il a été déçu ouais. de la façon dont le film a été reçu, mais que finalement les fans avaient raison, parce que c'est eux qui étaient les plus à même d'avoir des attentes concernant le film, et qu'ils ne pouvaient que respecter leur Oui. colère. Ils pouvaient que respecter leur colère, et que même s'il en était déçu, voilà, il respecte ça et il apprécie l'honnêteté, voilà, des Oui, gens. enfin, il a dit gentiment, je suis d'accord avec vous, c'est une merde, mais ça reste mes patrons. Si je vais être dans la suite, ou même bosser pour la Fox sur un autre film, je dis rien vraiment de trop polémique. Non, bon, d'accord, c'est vraiment un beau papier cadeau, hein. C'est bien enrobé, son propos, C'est tout ça, ça. mais voilà. Et C'est droit, bien en même refusé, c'est de temps. la merde. On va terminer la partie ciné avec Doctor Strange, qui fait déjà parler de lui. On n'en est quand même pourtant pas à la sortie du film, mais évidemment, Benedict Cumberbatch est en tournage, et il est au Népal, et il y a eu quelques photos et même une petite vidéo qui a circulé sur Internet cette semaine, donc qui montre le personnage du Doctor Strange, donc au Népal. Voilà, pas grand-chose pour le moment, Rien mais... à battre. Pas grand-chose pour le moment, mais on voit que le fait que ce soit cet acteur-là, très très tôt, on commence déjà à en parler, il y a des premières photos, tout le monde s'emballe un peu autour de ça, et voilà, là pour le coup, pour un personnage plutôt peu connu du grand public, avoir choisi cet acteur, ça semble pour Marvel être payant puisqu'on en parle déjà, et Ah, on le mais suit oui, partout. de toute manière, c'était prévisible. C'est un acteur, c'est déjà un acteur qui est réputé et c'est bankable pour Marvel. Oui. Parce que voilà, Quasiment la sûr. vie. On a dans les infos, Benny Cumberbatch est allé acheter une orange Non, au mais voilà, mais supermarché. enfin, Forcément, dès que le tournage allait démarrer, c'était non, évident qu'il mais allait y avoir un ce que je veux article. dire, c'est qu'avec le nom de l'acteur, il est sûr que le film va être rentable, quoi. Oui, Enfin, c'est c'est sûr qu'ils l'ont sûr. pas choisi pour son talent. Ah, mais non, Bah, t'es ça se dur. discute. Là, là, t'es Ça dur. discute, C'est un ouais, je bon pense. acteur. C'est un très bon acteur. Si vous avez regardé la petite vidéo, que j'ai Non. regardée en tout cas, c'est incroyable le nombre de déclencheurs d'appareils photo qu'on entend en fond. Ah ouais? À chaque fois qu'il apparaît dans le champ, il est entre deux, la caméra, elle est entre deux, enfin, elle filme un morceau entre deux piliers, enfin, entre deux morceaux de bâtiment, et donc on le voit passer juste un petit moment. Et à chaque fois qu'il apparaît dans ce petit champ, alors il y a un nombre incroyable de déclencheurs, de clac-clac d'appareils photo qui se déclenchent. Et donc il y avait sans doute pas mal de journalistes qui étaient là et qui guettaient pour avoir cette première photo et prendre, voilà. Donc, C'est pour fin de cette année, l'année prochaine ou 2017? 2017, 2016. novembre 2016. 2016. 2016, hein, oui, Il sort dans un an. Oui, Vraiment, en quasiment. Ouais, 2016, dans un an, bah, presque tout pile, ouais. vous dites qu'on rentre, mais on a encore quand même beaucoup plus que les autres Civil War ou Deadpool qui vont sortir l'année prochaine. C'est un peu plus Voir, en dont on retrait. n'a toujours pas de trailer. Je le rappellerai chaque semaine tant qu'on ne l'aura pas. Allez, on va enchaîner avec le comics de la semaine, enfin les comics de la semaine, puisque nous en avons deux cette semaine. Et Clément, c'est toi qui vas parler du premier. Et tu as lu I Hate Fairyland. Ouais, donc de. Quel enthousiasme. Depuis le temps que je l'attendais, ouais, complètement. Depuis le temps que je l'attendais, donc c'est le nouveau créateur Owned, donc de Scott Young. Donc il est à la fois au scénario et au dessin. Donc pour rappel, en gros le speech, c'est Alice. Non, je sais plus comment il s'appelle le personnage. Gertrude, elle s'appelle. Ouais, Gertrude est bloquée dans les contes. Donc en fait, c'est on peut dire que ça s'attire d'Alice au pays des merveilles. En tout cas, par moi, ça m'a fait vraiment ça. En tout cas, oui, c'est un personnage qui est bloqué dans les contes depuis, je crois, une quinzaine d'années. 27 ans. Ouais, 27 ans. Et donc, forcément, bah, elle n'est plus très bien dans sa tête. Et donc, ça donne des scènes complètement improbables. Alors, mon avis global, j'ai adoré. Je me suis tapé des grosses barres en disant que c'est complètement what the fuck, complètement barré. Ce à quoi m'avait habitué Scott Young sur par exemple Rocket Raccoon. Mais là, c'est vraiment à un niveau supérieur de what the fuck. Ça donne des scènes improbables, toujours le style propre à Scott Young, mais ça sert magnifiquement le truc, quoi. Et tu sens que Scott Young s'éclate. Il va s'éclater sur ce titre. Moi, je me suis. Non, vraiment, j'ai rien à redire, quoi. Tu lis un truc comme ça, tu te prends la gueule, c'est pour lire des trucs improbables et c'est, voilà, on a le droit à une Gertrude complètement tarée, complètement psychopathe. Bah, elle est au bout du rouleau. Complètement, mais je vais pas spoiler, mais ça donne des trucs. Ouais. Enfin, voilà, complètement. Disons que Scotty Young a eu le génie, l'idée de génie, c'est de prendre cette petite fille qui arrive au pays des contes, ouais, quand elle est enfant, et ça. Cette petite fille va être coincée pendant 27 ans là-bas. Elle va pas grandir physiquement, mais la personnalité à l'intérieur de ce corps-là va, elle, grandir de 27 ans. Et du coup, on trouve une femme de 27 ans au bout du rouleau, dans le corps d'une gosse, et qui va tout dézinguer, quoi, complètement. Ah ouais, c'est ça. Elle utilise, ouais, elle va dézinguer, je sais plus. Sans trop spoiler, mais quand elle dézingue les étoiles et la lune à coup de bazooka. Oui. Ah oui, ça c'est. D'ailleurs, ça c'est. Enfin, moi, ça m'a fait éclater de rire, quoi. Je me suis dit, il y a que ce côté mouchon. Personne, c'est vrai qu'elle va dire, je sais plus, en gros, elle va dire, bon, bah, quelle méthode je peux employer? Bah, moi, je sais. Bah, dans la case suivante, elle sort un bazooka et elle le défend. Voilà. Rien que pour ça, en fait, il faut lire. Non, vraiment, c'est. Il faut découvrir ça, oui, je suis d'accord. Il faut découvrir. Vraiment, je regrette absolument pas d'avoir commencé. C'est nouveau, c'est du créateur de comme j'adore, ce que j'aime chez Scott Young. Donc franchement, si vous voulez le lire et vous fendre la gueule, c'est pas prise de tête, franchement, c'est faut lire, quoi. Rien que pour les dessins, parce que c'est dans la lignée de Super Rocket Raccoon ou de Little. Ah, je sais jamais, c'est un petit AVX, Giant Size Marvel, le Giant Size Little Marvel AVX. Voilà, c'est dans le même genre. Ouais. Vraiment, foncé, c'est top. Et puis, un coup de cœur de ta part, un coup de gueule de la mienne, c'est le Amazing X-Men de cette semaine par Jeff Lemire et Humberto Ramos, qui redéfinit un peu la condition des mutants. Les mutants sont en train de s'éteindre, en gros, ils sont en train de s'éteindre. Pourquoi ? Parce que les brumes tératogènes les tuent. Non. Brume tératogène, voilà, rend malade les mutants et ils ont même stérilisé, donc ça veut dire qu'on n'aura plus possibilité d'avoir aucun nouveau mutant qui va naître. Voilà, les mutants ne pourront plus se reproduire, donc sont amenés à s'éteindre. Ils vivent maintenant sur X-Haven, on ne sait pas où c'est. C'est un des mystères liés à Secret Wars, donc on ne saura pas maintenant. Mais voilà, depuis quand les brumes tératogènes ont cet effet sur les mutants? Jeff Lemire n'écrit pas forcément mal, mais voilà, il part sur une idée qui est complètement n'importe quoi. Peut-être surtout Marvel qui lui a dit. Écoute, ouais, mais si ça lui plaît pas, il l'écrit pas. Oui, non, mais là. Oui, mais on lui a dit, c'est comme ça le départ, et après tu fais ce que tu veux. Donc là, voilà, on est sur une des choses qui m'ont dérangé. Il y en a plein d'autres qui m'ont dérangé là-dedans. Voilà. Ça avait été annoncé, ça. C'est vraiment un point de détail. Ouais, ça a été annoncé assez tard, ouais, mais bon, voilà, c'est un point de détail qui moi me crispe un peu. Il y a plein d'autres défauts là-dedans. Enfin voilà, clairement, c'est quelque chose qui m'a réellement déçu. Et là, Jeff Lemire, Voilà, il a fait une de ses premières, à mon avis, grandes erreurs. Et puis Humberto Ramos, voilà, j'aime pas trop son style sur les X-Men, ça colle pas. Donc voilà, clairement, à passer. Contentez-vous de Hate Fairyland, Amazing X-Men, clairement, ouais, c'est pas la peine. Allez, on va terminer par l'Actu Comics en VO. Je vais vous faire rapidement, mais très rapidement, les ventes d'octobre. Parce qu'elles sont hyper intéressantes, parce que Marvel explose tout au mois d'octobre. Un Surprise. comics sur deux vendu au mois d'octobre était un comics Marvel. Ah ouais. 48,26% des unités vendues étaient des comics Marvel. Bah forcément, DC ramasse les miettes, hein. DC, ils en vendent 23%, à peine 23%, Oh la vache. 22,92%. Donc là, Marvel a vendu le double d'unités, tout Ah, simplement. c'est gigantesque. Quand on continue en dollars, Marvel c'est également le double de DC. DC c'est 21,85 et 43,65% des Mais recettes pour Marvel. C'est un énorme écart, là le en trou est fait. plus, parce que en plus, Marvel vend plus que DC, tout en sachant quand même que globalement, les titres de Marvel sont quand même beaucoup plus chers que ceux de DC. Oui, c'est vrai, mais du coup, Donc, tu vois qu'en dollars, ils sont qu'à 43% alors qu'ils sont 48% d'unité. Donc au final, ouais, mais. voilà. Et du coup, j'aurais pu croire, enfin moi le premier, j'aurais pu croire que vu que maintenant les, on va dire 80 voire 90% des titres Marvel sont à peu près à 4 dollars pièce, on aurait pu croire que ça influe sur les ventes et en fait pas du tout. Donc Pas du tout, pas du tout. En unité, c'est voilà, c'est c'est là où c'est vraiment vraiment révélateur. surprenant, C'est que c'est hyper surprenant. Image, pour la première fois depuis longtemps, est en dessous des 10% à 9,3% d'unités et 9,2 en dollars. Alors, qu'est-ce qui explique ce chiffre-là? Bah, le All New All Different Marvel, Ouais. qui a été lancé en octobre. Et les 10 premiers titres du top 10 sont des titres Marvel. Ça n'était pas arrivé depuis une éternité. Il n'y a même pas Batman dans le top 10, il n'y a même pas la Justice League, il Non. n'y a que du Marvel. Iron Man numéro 1, Invisible Iron Man numéro 1 est premier. En deuxième, on a Amazing Spider-Man numéro 1. Spider-Gwen numéro 1 en troisième place. Quatrième, c'est Secret Wars numéro 6. On a Doctor Strange numéro 1. Et puis après, on a les titres Star Wars, évidemment. Star Wars 10 est 6e, Chewbacca numéro 1 est 7e, Journey to Star Wars The Force Awakens, Chartered Empire numéro 2 est 8e, Guardians of the Galaxy est 9e, et Amazing Spider-Man numéro 2, puisqu'il y avait deux numéros de Spider-Man ce mois-là, était lui 10e. Voilà. Bah, comme au cinéma en fait. C'est ça. Marvel devant est ici. Dans les TPB, les graphiques nouvelles, Star Wars volume 1 et Dark Vador volume 1 prennent quant à eux les deux premières places du classement. Voilà, pour les ventes et vraiment voilà, Marvel qui a sorti le rouleau compresseur et c'est dur de suivre derrière. Clément, une petite annonce de la part de Scott Snyder. Oui, donc là, c'est pas du côté de Batman, c'est du côté de Image Comics. Donc, souvenez-vous, l'année dernière, Scott Snyder avait sorti je crois que c'était son premier creator owned de chez Image, donc Witches, donc qui était une sorte de comics d'épouvante, on va dire ça comme ça, donc qui avait duré, je crois, 7 6 numéros. 6 Ouais, si. C'était plutôt une réussite, mais quand même hyper spéciale. Et ouais, c'était très spécial. Et donc là, le numéro 6, le premier volume, c'était terminé, ça devait bien faire 400 mois, Ouais. facilement. Et donc là, Scott Snyder et Jock ont annoncé le retour de Witches en 2016. Voilà, pour un Et deuxième tome, a priori, plutôt dans le désert cette fois. c'est ça, plutôt dans le désert. Voilà. Donc moi, je pense pas continuer Witches parce que c'était assez chaud quand même à suivre parce qu'il y a énormément de trucs. C'est Il faut lire en TP, quoi. ça, c'est un truc vraiment qu'il faut lire en TP parce que alors, honnêtement, j'ai pas saisi le délire. Ça part très loin. Hein. C'est vraiment le code de l'épouvante. Ça, c'est clair et net, donc c'est réussi de ce point-là. Mais je pense que effectivement, Witches mérite d'être lu en TP parce qu'en single, c'est quand même assez compliqué de saisir les trucs. Mais globalement, c'est plutôt un truc sympa à lire, sympa à lire, si on aime ce genre, quoi. Et on va terminer cette partie Comics VO et donc l'émission avec toi, Irish. On parlait la semaine dernière du départ de Cullen Bunn d'Aquaman. Et ben on va reparler d'Aquaman du coup cette semaine. Bah voilà, puisque la série va retrouver à sa tête le trio ensuite de Geoff Johns, Ivan Reis et Joe Prado. Et ça devrait s'intituler The Rise of the Seven Seas. Voilà. Donc le retour de Geoff Johns sur Aquaman pour éteindre l'incendie, j'ai envie de dire. On appelle le pompier Geoff Johns qui vient avec Ryan Reiss pour les dessins et Joe Prado. Voilà. Il faudrait vraiment être désespéré. Donc surtout l'équipe. Pour c'est une storyline qu'ils ont teasé quand ils ont quitté la série. Ouais. Que ça fait plaisir d'avoir enfin cette série. Donc du coup ils reviennent pour continuer ce qu'ils avaient commencé tout simplement. Oui. Voilà. Et une bonne nouvelle puisque la suite est pâtée. C'est ça, c'est ça. Allez, ça conclut notre émission. On se retrouve la semaine prochaine pour le MAG numéro 30. Mais en attendant, on se retrouve jeudi pour sur nos écrans numéro 29, qui va peut-être faire le grand écart, puisqu'on va vous parler de Gotham et d'Agents of S.H.I.E.L.D. dans la même émission. Et puis ce week-end, donc dimanche, Comic Stories vous présente The Infinite Loop. D'ici là, bonne lecture et à bientôt. Salut à tous. Salut.